Au bord de l'eau. Deuxième partie. Elle était la première au lieu du rendez-vous. J'accourus auprès d'elle et me mis à genoux, et promenant mes mains tout autour de sa taille, je la tirai. Mais elle, aussitôt, se leva et par les prés baignés de lune, se sauva. Enfin, je l'atteignis. Car dans une broussaille qu'elle ne voyait point, son pied fut arrêté. Alors, fermant mes bras sur sa hanche arrondie, auprès d'un arbre, au bord de l'eau, je l'emportai. Elle, que j'avais vue impudique et hardie, était pâle et troublée et pleurait lentement, tandis que je sentais comme un enivrement de force qui montait de sa faiblesse émue. Quel est donc et d'où vient ce ferment qui remue les entrailles de l'homme à l'heure de l'amour? La lune illuminait les champs comme en plein jour. Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade des grenouilles faisait un grand charivari. Une caille très loin jetait son double cri et comme préludant à quelque sérénade, des oiseaux réveillés commençaient leur chanson. Le vent me paraissait chargé d'amour lointaine, alourdi de baisers, plein des chaudes haleines que l'on entend venir avec de longs frissons et qui passent roulant des ardeurs d'incendie. Un rut puissant tombait des brises attiédies et je pensais combien, sous le ciel infini, par cette douce nuit d'été, combien nous sommes qu'une angoisse soulève et que l'instinct unit parmi les animaux comme parmi les hommes. Et moi, j'aurais voulu, seule, être tout cela. Je pris et je baisai ses doigts. Elle trembla. Ses mains fraîches sentaient une odeur de lavande et de thym dont son linge était tout embaumé. Sous ma bouche, ses seins avaient un goût d'amande, comme un laurier sauvage ou le lait parfumé qu'on boit dans la montagne aux mamelles des chèvres. Elle se débattait, mais je trouvais ses lèvres. Ce fut un baiser long comme une éternité qui tendit nos deux corps dans l'immobilité. Elle se renversa, râlant sous ma caresse. Sa poitrine oppressée et dure de tendresse haletait fortement avec de longs sanglots. Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos. Et nos bouches, nos sens, nos soupirs se mêlèrent. Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort, un cri d'amour monta, si terrible et si fort que des oiseaux dans l'ombre effarés s'envolèrent. Les grenouilles, la caille, et les bruits et les voix se turent. Un silence énorme emplit l'espace. Soudain, jetant au vent sa lugubre menace, très loin derrière nous, un chien hurla trois fois. Mais quand le jour parut, comme elle était restée, elle s'enfuit. J'irai dans les champs au hasard. La senteur de sa peau me hantait, son regard m'attachait comme une encre au fond du cœur jeté. Ainsi que deux forçats arrivés au même fer, un lien nous tenait, l'affinité des chairs.